Almas, de bac altesse, c'est comme ça. Devine qui c'est, hein? C'est pas? Écoute ça. Et puis les sorcières, ADL Tox, on est là. Devine qui revient mettre ça au niveau. Pour les gars, pour les go, pour mon équipe, ma clique et mes négros. Oh oh, eh gars, ça va barder, t'es taré. On arrive, on va tout vont barder. Devine qui revient mettre ça au niveau. Pour les gars, pour les go, pour mon équipe, ma clique et mes négros. Oh oh, eh gars, ça va barder, t'es taré. On arrive, on va tout vont barder. Déjà faut que j'kiffe le son pour pouvoir être en place. Ok, tu dis que tu m'aimes pas, alors pourquoi tu me dédicaces? Devine qui revient, foutre le feu sur la scène. Qui la scelle, qui te la cède pas, mais qui te la saigne. Excédent, c'est excellent, dès que c'est moi, mais dès que c'est toi, le public ne le sait pas. Oh, MC, t'as de la peine, mais ça me gêne pas. J'te dirais juste, reste en chienne, gars. Numéro 1, pour rapper, faut du talent. Numéro 2, faut des galons, mais toi t'es qu'une pute en talon. Eh, hey, t'as pas la vibe que j'ai, le style que j'ai, la dalle que j'ai. Non, t'as rien de tout ce que j'ai, quoi. Comment ça, ils disent que tu rappes comme un volontaire? Mais t'as trop de lenteur, trop d'auteur, hein, ça commentaire. Devine, tu reviens, mettre le niveau là où il doit être. J'rappe, les MC commencent à naître. Devine, tu reviens, mettre ça au niveau. Pour les gars, pour les go, pour mon équipe, ma clique, mes négros. Oh oh, eh gars, ça va barder, t'es taré. On arrive, on va tout vont barder. Devine, tu reviens, mettre ça au niveau. Pour les gars, pour les go, pour mon équipe, ma clique, mes négros. Oh oh, eh gars, ça va barder, t'es taré. On arrive, on va tout vont barder. Devine, tu reviens, t'en reviens pas. Je me présente pas, tu me reconnaîtras. Tu ne devines pas, mais non, tu ne cherches pas. Tu me connais pas, franchement, tu me déçois. Mon amour, mon pote Skyzo. Lui-même il sait, c'est te bac maintenant, tu sais qui c'est. Le thème je te le dis, c'est deviner qui est-ce tu veux. Un indice il vient de la tête, tu veux tricher, donc vas-y passe tes pièces. C'est une bonne affaire, je te balance Altesse. L'autre il est trop chaud, ton frère au MIC. Il chante pour représenter, pas pour ta santé. Il est dans mon groupe avec un talent des concerts. Tant à son âge, même s'il n'avait pas dedans. La tête capuchée, avec le visage voilé. Tu savais pas t'étais qui maintenant. Vous saurez. Devine, tu reviens mettre ça au niveau. Pour les gars, pour les go, pour mon équipe, ma clique et mes négros. Oh oh, eh gars, ça va barder, t'es taré. On arrive, on va tout vont barder. Devine, tu reviens mettre ça au niveau. Pour les gars, pour les go, pour mon équipe, ma clique et mes négros. Oh oh, eh gars, ça va barder, t'es taré. On arrive, on va tout vont barder. Allez, non, je dis pas, devinez qui c'est. Trop chaud, trop frais, trop à l'aise, ou MC. Eh poto, on veut le talent éternel, tellement pur dans le rap. Provoque des étincelles. Devinez qui c'est, le petit casse-pied qui vous fait danser. Devinez qui revient pour allumer le rap français. Mon rap se mousse partout, non, il n'est pas plus dit. Devinez qui c'est qui vous fait bouger tellement sur le beat. Vous ne savez pas qui c'est, sérieux. Devinez, même pas une petite idée. Non, là vous déconnez, bon ok, pardon pas tant. Au micro c'est Almas, dans ta tête tu te dis encore lui. Ça te tracasse, plus le temps pour les petites rigolades. Direct on fonce, un test de bac et Almas. Le mic on le défonce, celle-ci je la place pour mon pote Raptor. Un flow de grande classe, non, plutôt hardcore. Devinez qui revient mettre ça au niveau. Pour les gars, pour les go, pour mon équipe, ma clique et mes négros. Oh oh, eh gars, ça va barder, t'es taré. On arrive, on va tout vont barder. Devine, tu reviens mettre ça au niveau. Pour les gars, pour les go, pour mon équipe, ma clique et mes négros. Oh oh, eh gars, ça va barder, t'es taré. On arrive, on va tout vont barder. Devine, tu reviens mettre ça au niveau. Pour les gars, pour les go, pour mon équipe, ma clique et mes négros. Oh oh, eh gars, ça va barder, t'es taré. On arrive, on va tout vont barder. Devine, tu reviens mettre ça au niveau. Pour les gars, pour les go, pour mon équipe, ma clique et mes négros. Oh oh, eh gars, ça va barder, t'es taré. On arrive, on va tout vont barder. Skyzo, Raptor, Ekondo, tueur tiré d'élite. 938.skyro.com. C'est espoir, poto. Pine sur scène. De Bac, Almas, Altesse, Berdy, ouais, gros.